Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Miracri, une voix dans la nuit. Animer la nuit, il y a quelque chose de... que je ne tenterai pas d'expliquer clairement ici parce que j'en serais incapable. Il faut le vivre, et... mais c'est autre chose. Tu as l'impression que les gens font vraiment silence. S'ils écoutent, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de t'écouter et en plus d'écouter la musique. Donc c'est vraiment intense et ça comble. En tout cas, moi, ça me comble. Miracri, à l'émission Indicatif présent en avril 1997, c'est probablement la nuit à son émission L'embarquement pour sitar que Miracri s'est le plus rapproché en ondes de ce qu'elle était dans la vie. Première femme chef d'antenne au téléjournal de Radio-Canada dans les années 1970, animatrice de la très sérieuse émission Second Regard dans les années 70 et 80, c'est à la radio que Miracri s'éclate enfin à partir de la fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000. Miracri reste sans conteste l'une des grandes voix de Radio-Canada. Dans la recherche que j'ai vue sur vous, qui est la recherche la plus excentrique que j'ai jamais vue, alors attendez, on nous dit, vous avez dit à notre recherchiste que votre position préférée, c'était assise. Assise. Vous avez pris le soin de lui dire ça. Ben oui. Oui. Tous mes sports sont assis. Je les fais assis. Et puis en même temps, ça veut dire une position assise dans la vie, c'est qu'on est pas mal, ce qui est vrai. Mais mon sport préféré, ce sont les mots croisés, parce que j'adore les plaisirs solitaires. Ce qui vous a amené à ce métier-là, c'est pas facile. Je sais pas à l'époque où vous avez voulu commencer, mais quand on veut faire ce métier-là, quand on veut faire du micro, de la radio, de la télévision, c'est toujours un cauchemar. Ouais. Le jour où on décide qu'on veut faire ça, on se dit « mon Dieu, j'y arriverai jamais ». Pour vous, ça a été comment? Non, ça a été beaucoup plus simple que ça, et ça me ramène à la position assise, sans doute par paresse. J'aime causer. Le seul instrument dont je joue vraiment bien, je crois que c'est ma voix. En dehors de ça, je ne sais pas trop ce que je ferais. Je me suis retrouvée dans ce métier que les gens faisaient. Donc j'ai dit why not me? Ouais, pourquoi pas? C'est ça. Miracri, à l'émission de Christiane Charrette le 13 septembre 1991. Pour nous parler de la carrière, du parcours exceptionnel de Miracri, je reçois son amie, animatrice à ICI Musique, Monique Giraud. Monique Giraud, bonjour. Bonjour, Jacques. Ça vous fait plaisir de l'entendre à nouveau, Miracri? Ça me fait tellement plaisir à chaque fois et ça m'émeut, bien entendu. Donc, c'est un mélange d'émotions. Ouais. Ouais. Vous l'avez connue, c'était votre amie, vous l'avez très, très bien connue. Vous l'avez connue jeune, d'ailleurs, ouais. Miracri. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et puis pour nous tous qui sommes à l'écoute? Miracri, mon Dieu, je l'ai connue toute petite. En effet, j'avais 6 ou 7 ans. Je la voyais à la fois à l'épicerie de mon village d'Oka, hein, qui était aussi le sien, et à la télé. Et il y avait quelque chose qui, tu comprends, il y a quelque chose qui se pouvait pas là-dedans. Une femme, en effet, aussi excentrique, hein, comme le disait Christiane, dans l'épicerie du village, ça avait attiré mon attention. Ouais. Et j'avais demandé à ma mère, mais est-ce bien, comment on peut être à la fois... Et j'ai connu Mira par sa fille aînée, qui avait 1 an de moins que moi, par le neveu de Solange, sa compagne, qui était venu un jour jouer à la pétanque, alors que je jouais à la pétanque aussi. Lui, c'était le petit prince de Saint-Exupéry. Donc déjà, il était lui-même très original. Donc vraisemblablement, j'étais attirée par l'originalité. Ouais. Et j'avais peut-être, comme Mira, envie à la fois de rester dans ce patelin-là, mais d'en sortir un peu, ne serait-ce qu'au figuré. Donc Mira, c'est très rapidement devenu ma mentor. Bon, ben, évidemment pas à 7-8 ans, mais... À 7-8 ans, une présence importante. Oui, un exemple. Oui. En tout cas, quelqu'un qui... Qui a participé à votre éducation au sens large. Ben, complètement. Quelqu'un à qui j'avais envie de ressembler. Oui. Beaucoup. Qui était vraiment, d'abord, d'une intelligence absolument inouïe. Puis ça, je l'avais très vite saisi, je l'avais très vite remarqué. En fait, je voulais être aimée d'elle. Oui. Je pense que quand on la croisait ou qu'on la côtoyait, ici, entre collègues, j'en ai vu tout plein, ou même dans la vie, on avait envie qu'elle nous remarque. Oui. Et puis, vous le disiez, pour vous, gamine, cette femme que vous allez croiser à l'épicerie, qui va faire partie de votre vie, vous allez connaître sa fille, vous allez être à sa table jour après jour, en tout cas souvent. Ben, et je suis devenue un peu la cinquième enfant de la famille très rapidement. En même temps, cette géante déjà, celle que vous voyez à la télé, ça c'est important pour les autres, pour nous qui écoutons, qui ne l'avons pas connue personnellement. Ouais. Je reviens à cette question-là. Pour vous, Pourquoi elle est importante? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous, Québécois, Mira Kri? Mira Kri est une pionnière, une femme extrêmement libre, une iconoclaste qui, en effet, on y reviendra, mais a été la première femme à faire le téléjournal au service public, ce qui n'est pas rien. Non seulement était-elle la première femme, mais elle était moi. Ouais. On est dans les années 70. Alors, évidemment, 1974, l'année de la libération de la femme. Moi-même, j'ai 11 ans. Je vois les Pauline Julien, Michel Rossignol, toutes ces femmes-là qui ont tellement fait, qui ont tellement tracé la voie. Pour les filles de ma génération, c'était des femmes à suivre, c'était ouais. des exemples. Toutes les femmes n'étaient pas non plus de cette trempe-là, mais enfin, celle-là, vraiment, nous ouvrait la route. Donc, c'est une pionnière au plan, évidemment, de la communication. Ouais. Mais je pense que pour nous tous, et pour ceux qui l'avons côtoyée personnellement, un exemple de très, très grande liberté, d'esprit, d'humour, d'intelligence. Quand je pense à Mira, et je la réentends là, et à chaque fois, et je la réentends souvent, j'ai une photo dans mon bureau qui fait 3 pieds par 3 pieds ouais. de Mira, donc c'est vous dire. Mais à chaque fois, et à chaque fois, ça confirme ou combien elle me manque et son esprit me manque, mais c'est notre filiation, je crois. Notre amitié, sa fidélité. En tout, à ses racines, à ses valeurs, à sa culture, à sa famille, à son ouais. clan. C'est une femme avec plusieurs nuances de gris, comme on dit. Maintenant. Plusieurs nuances de gris, femme multiple dans ce qu'elle est dans la vie, mais dans ce qu'elle a été professionnellement aussi. Puis j'ouvrais l'émission en jouant un petit peu de cette apparente contradiction, mais au fond, c'est là qu'on comprend la complexité du personnage. Mais elle fera le téléjournal, elle fera Second mm-hmm. Regard, donc le service de l'information à l'époque, très sérieux. Puis ensuite, oui. la miracle qu'on va retrouver à la radio, mm-hmm. complètement mm-hmm. éclatée. Je vous propose justement de creuser un petit peu plus sur qui était vraiment miracle. En écoutant à nouveau cette entrevue qu'elle accorde, un extrait de cette entrevue qu'elle accorde à Christiane Charette en 1991. Comment se fait-il qu'on vous imagine comme une personne sévère et intimidante? C'est sans doute ma timidité, ma retenue personnelle. Je suis plutôt quelqu'un de très renfermé. En fait, je suis une écorchée vive et qui porte le masque et qui donne le change. Je sais pas, j'arrive pas à vous prendre au sérieux. Non, vous me dites pas, une écorchée vive. Ça, ah, oui, je suis une écorchée vive. Les plus grands comiques sont des écorchés vifs. Je ne peux pas dire par là que je suis la plus grande comique. Mais on m'a cataloguée dans le téléjournal. Il y a des gens qui m'écrivaient pour me dire... On vous aime bien, vous êtes comme notre fille. On a une petite boutique de lingerie. Vous devriez porter des jabots comme Anita Barrière ou Suzanne Lapointe. C'était pas tout à fait mon genre. La fois où je me suis pointée avec une cravate au téléjournal de 10h30, les lignes ont rougi de honte, comprenez-vous. Et puis les autres qui disaient, vous pourriez faire un petit sourire à la fin d'un bulletin de nouvelles. Oui, pourquoi pas? Ben, je vois pas très bien ce qu'il y a de drôle à avoir dit les merdes qui se passent à travers le monde. Même si je sais qu'après je vais manger mon steak pommes frites, il y a pas de raison que je souris comme ça. J'étais, il me semble, j'avais le costume de l'emploi, le visage de l'emploi. Mais aujourd'hui, la mode est à la technique du sourcil froncé. Si vous avez remarqué... Le sourcil froncé, ben oui, oui. Si vous avez remarqué, les téléjournaux, comment faire parler son corps, parce que c'est devenu un show, eh bien, on fronce le sourcil. Oui. Le gauche, si ça se passe dans le golf, le droit, si ça se passe aux États-Unis. Mais il y a un jeu facial absolument fascinant. Quel humour, ça c'est fascinant ce qu'on entend aussi. Quel humour, quel esprit, quel franc-parler. Ah oui, oui, écoute, les mots venaient aussi vite que la pensée. Ouais. Hein? Et elle se trompait rarement. On s'ennuyait pas avec elle, non. J'imagine. C'est non, impossible, non, non, non, non, mais alors là, les rires, mais c'était quelqu'un de très ludique. Hein? Ouais. Mira avait ce côté en effet très sérieux du téléjournal, mais tu sais, on peut dire la même chose de Le Bigot avec qui elle a travaillé à l'époque, ou Bernard de Rome. Ouais. Bon, évidemment, dans la vie, bon, on se relaxe l'habit un de l'emploi, peu. L'habit de l'emploi, absolument, l'habit de l'emploi. Mais oser porter la cravate à l'époque aussi, au téléjournal, c'est savoir s'assumer complètement. Parce que c'est vrai que, et ça, c'est un aspect aussi que j'ai compris assez tôt dans mon petit village et dans mon existence propre, c'est qu'elle assumait aussi de vivre avec une femme et d'élever avec Solange, sa compagne de toujours, ses 4 enfants qu'elle avait eus avec son mari qui est mort dans un accident de voiture, dans quelle voiture elle était aussi. Alors, quand elle parle d'être écorchée vive, c'est ça aussi qu'elle cachait, qu'elle a caché cachée très longtemps, bien qu'elle ait fait son coming out dans les années 90 dans un article de fond dans la presse, bien avant tout le monde d'ailleurs, bien avant que ce ne soit la mode, mais elle a vécu quand même des événements tragiques. C'était pas évident de se relever comme ça avec quatre enfants tout jeunes, tout petits, qui avaient entre 9 mois et 4-5 ans. Parlons un peu de ses origines. Vous disiez première femme à être chef d'antenne au téléjournal, mais première femme Mohawk à être chef d'antenne au téléjournal. Elle est née à Okanasetake en 1937. Parlez-nous un petit peu de ça, de ce milieu dans lequel elle va grandir, de la place qu'occupe, quand elle est jeune, cette culture amérindienne, de la place que ça occupe ou pas. Parce qu'il y aura le français aussi pour elle, qui va se frayer un chemin très vite. Oui, elle grandit en anglais, en fait. Hein. Son père, Ernest Ariron, parce qu'Ariron, ça faisait partie comme ça de la tradition. Son grand-père, Timothy Ariron aussi. Elle a appelé son fils aîné Jacques Ariron. Ernest était chef et Timothée était grand chef, ce qui n'était pas rien, donc avec tout ce que ça veut dire d'implication politique, de négociation avec Ottawa. Mais c'est vrai, dans un village, à côté d'un petit commerce familial, élevée en anglais jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, donc fille unique, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école chez les dames de la congrégation. Hein, les sœurs de Marguerite Bourgeois, où on enseignait très bien le français. Donc, elle est allée là, et comme ça, à l'époque, Oka ne s'appelait pas Oka Kanasetake, c'était Oka. Kanasetake, c'est venu un peu plus tard. Et donc, elle a grandi en français, a développé très rapidement un amour pour la langue française, n'a jamais vraiment parlé Mohawk, mais comme les camarades de ses compatriotes Mohawk, on va dire, elle a dû essuyer les railleries, les moqueries, des autres camarades, parce que c'était comme ça. Moi-même, qui suis né en 63, je me souviens avoir vécu dans le village. Aussitôt qu'il y avait un graffiti, un acte de vandalisme, on se posait même pas la question. Mais vraiment, on se posait pas la question. C'était un Indien. On ne disait pas non plus amérindien à l'époque. C'était un sauvage. C'est épouvantable quand on y pense. Mais elle vit avec ça, vous me corrigerez, mais de manière relativement paisible. Et puis, il y a un déclic qui va être important pour elle, cette fameuse crise d'Oka en 1990. Oui. On l'écoute, non pas comme animatrice de Second Regard, mais comme invitée à Second Regard, parler de cette crise-là, de l'effet que ça a eu pour elle. Extrait de Second Regard du 14 juillet 1991. J'ai vécu cette crise et c'était plus dur que de la couvrir. Je croyais certaines cicatrices de mon enfance bien refermées. Et les maudites sauvagesses de mes années d'école me sont montées à la gorge. J'ai découvert des êtres qui étaient mes concitoyens et mes frères et mes sœurs, et je ne les ai pas reconnus. En 1890, mon grand-père était chef, grand chef, Timothée Ariron. Les messieurs de Saint-Sulpice, avec le gouvernement, se sont dit qu'il serait bon de les envoyer en Ontario. Parce qu'il y a toujours eu les traditionnalistes et ceux qui ont toujours cru qu'ils étaient une nation, le croient encore aujourd'hui, à preuve les barricades et le 11 juillet. Donc, le gouvernement et les messieurs se sont dit, peut-être qu'ils seraient plus heureux en Ontario, et nous donc. Et on a proposé la chose à mon grand-père, qui a consulté les siens, les autres chefs, et qui a répondu, nous sommes chez nous, c'est notre terre, c'est notre sol, on nous en fera partir par la force seulement. Ça, c'était en 1890. En 1990, qu'est-ce qui arrive? Moi, je dis toujours que j'ai grandi à Oka, et quand on nous parle des beaux jours de mon enfant, je ne me souviens que de deux choses. Au mieux, la mésentente cordiale, au pire, l'indifférence. Comment, ça en dit déjà beaucoup, ce qu'on vient d'entendre, comment elle va vivre cette crise d'Oka en 1990, Mirakiri? J'étais personnellement déjà impliquée depuis un an dans la fondation d'un comité pour la protection de l'environnement où on réclamait que cette forêt de pins ne soit pas coupée pour agrandir un golfe qui existait déjà, mais qui, le pauvre, ne comptait qu'un 9 trous. Et Mira, au moment de la crise, était à Port-au-Percy en vacances chez des amis où elle adorait aller. Et le 11 juillet, et on l'a très vite prévenue, elle est revenue illico, dardard, comme elle aurait dit. Et quelques heures plus tard, il fallait quand même faire la route. Était-ce le soir du 11 juillet ou le matin du 12, je ne sais plus bien. On s'est réunis avec des gens qui avaient gardé leur bon sens. Et puis, on a fondé le mouvement pour la paix et la justice à Oka et Kanasetake. Pour essayer justement de faire reprendre leurs esprits à ceux qui vraisemblablement les avaient perdus. Tous ces neurones envoyés. Ses voisins qu'elle ne reconnaissait plus. Avec qui elle a grandi. Qu'on côtoyait. Un village de 1500 habitants. Vous pouvez imaginer quand l'armée débarque à coups de 200 soldats dans un village comme ça. un village qu'on a évacué. Enfin, Mira s'est très vite, excusez-moi l'expression, mais mise les mains dedans. Ouais. Elle n'a pas tergiversé. Dans les heures qui ont suivi, elle s'est impliquée. Les gens de sa communauté, qu'elle ne côtoyait pas au quotidien, ouais, on va se dire la vérité, tout à coup l'ont évidemment reconnue, ont compris qu'elle s'exprimait dans un français plus qu'impeccable et qu'elle pourrait être une formidable porte-parole. Ce qu'elle est devenue, en quelque sorte. Pas forcément, forcément pas pour les Warriors ou les AK-47, bien entendu, mais pour cette cause, ouais, pour le gros bon sens, pour la paix et la justice. Est-ce qu'il y a eu pour elle un avant et un après AK? Est-ce que, autrement dit, est-ce que on l'entendait parler de ses souvenirs d'enfance, mais qu'elle avait un peu enfoui, je pense. Est-ce que, oui, ça l'a ramenée à ses racines? Est-ce qu'il y a eu un engagement plus fort après? Oui, je suis convaincue. Souvent, elle disait de Mohawk, apparemment, il n'y a que Jean-Paul Nollet et moi qui travaillaient aussi. Jean-Paul Nollet, ici à Radio-Canada, mais d'Amérindien, en fait. Parce que je ne pense pas que Jean-Paul était Mohawk. Mais enfin, et là, elle a eu le désir après ça. Non seulement est-ce qu'on avait les pieds et les mains dedans pendant la crise, oui, donc de mi-juillet jusqu'à fin septembre. Mais après, elle s'est beaucoup impliquée pour le Festival Terres en vue. Et puis, elle a été aussi très impliquée dans la communauté pour la réélection d'un chef, bon, oui, etc. Non seulement donc publiquement, mais aussi dans la localité, puis à Kanasatake. Elle s'est impliquée, elle était là. Sa maison est devenue leur maison à Solange, et elle est devenue un centre névralgique, puisque en dehors des barricades, donc il y avait tous les collègues, oui, de Radio-Canada qui passait là, mais les grands chefs qui arrivaient de Colombie-Britannique, ou alors les représentants du fédéral, ou les représentants du provincial, ou la Fondation des droits de l'homme, ça se passait chez elle, donc dans le quotidien, à faire des sandwichs et à régler le sort du monde. C'était assez bouleversant comme période. On ne peut pas se relever de ça en étant indifférent. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au Téléjournal ce soir, le rapport de la commission d'enquête ontarienne sur la violence à la télévision. Au Québec, des mesures d'aide aux petites et moyennes entreprises et le projet de fusion de la CSN et de la Centrale de l'enseignement. Et à l'étranger, les élections en Espagne et la fin de la conférence du Commonwealth. L'abolition de... Mira Kri, première femme à avoir présenté le Téléjournal de Radio-Canada. Elle commence sa carrière, Monique Giroux, sa carrière dans les médias en 1960 à Jonquière d'abord, à Sherbrooke ensuite. Son entrée à Radio-Canada autour de 1973. À la radio d'abord, mais elle passe très, très vite à la télé, au Téléjournal, au service d'information. Téléjournal, ouais. Second regard. Comment ça se passe, cette période-là? Bien, elle a tout à faire. Elle a tout à prouver. Elle a à se prouver à elle-même, bien qu'elle avait déjà cette grande confiance et ce grand désir d'en mettre. Hein. Et elle est pour moi l'incarnation du service public. Elle est pour moi un exemple qu'on devrait toujours suivre, que je tente de suivre dans la mesure de mes possibilités. Mais il y a tout à faire, il y a tout à créer, spécialement pour une femme. Oui. Et le ton, le son de Radio-Canada était tellement particulier. À l'époque, on se souvient que souvent, certains parents disaient aux enfants « Tu n'as pas le droit d'écouter Télémétropole. » Donc, ça devenait une école, on avait un devoir. Et ça, ce devoir, elle l'a toujours eu. Elle l'a eu à la télé, elle l'a eu aussi à la radio. À second regard, elle a commencé à s'affirmer un peu plus et à s'accorder certaines libertés qui ont bien fait causer, oui, spécialement au clergé, par exemple, parce qu'au moment de la venue de Jean-Paul II, elle commentait, puis il faut dire que la télé était consacrée quasiment 24 heures par jour aux allées et venues de Jean-Paul II à Montréal et au Québec et au Canada. Et on a cherché déjà avec un camarade réalisateur cette archive, mais elle aurait dit, d'abord, elle refusait d'appeler Jean-Paul II le Saint-Siège, sa sainteté, de l'appeler, oui, Jean-Paul II ou Carole, ce qui était, bon, quand même assez audacieux à l'époque. Là, on est en 82 de mémoire. Et puis, elle aurait 84. Dit... Oui, voilà. Elle aurait dit, alors qu'il apparaissait quelque part avec Jeanne Sauvé, gouverneur général, et Jean-Paul II, ils portent tous les deux très bien la robe. Donc, on aurait demandé son congédiement, paraît-il. Pirouette qui a probablement effectivement signifié son départ de la télé. Sans doute. Et qui annonçait, avec le ton et la personnalité, hein, qui annonçait ce qu'elle allait suivre, à la radio, entre autres avec l'embarquement pour Cithare. La société Radio-Canada, ayant chanté tant et tant d'années, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine à Ottawa sur la colline. Le gouvernement n'est pas prêteur, c'est là l'un de ses nombreux défauts. Que faisiez-vous au beau temps des gros bidous, dit-il à cette quêteuse. Je chantais, dit-elle. Vous chantiez ? Eh bien, dansez maintenant. Et c'est en plein ce que nous allons faire ce soir, lors du lancement de la saison radiophonique du FM de Radio-Canada. Ce sera, je vous le rappelle, en direct de la salle de bal de Windsor, Vic Vogel et son orchestre. Nous vous ferons danser. Ce que vous faites maintenant, Miracri, c'est que vous animez cette émission de nuit, oui. Qui s'appelle L'embarquement pour Sita. C'est un beau titre. Hein? Mais c'est beau, hein? Oui, c'est en vous fait, qui l'avez choisi. Oui, j'aime ça, nommer les choses, nommer les gens, nommer les chats. Une nuit lors des téléphones, parce que je fais périodiquement une nuit des téléphones où nous parlons avec les auditeurs. Il y a quelqu'un qui a dit, une dame, « Je suis très déçue, Madame Cree, je vous ai connue au téléjournal, je vous ai connue à second regard et vous sembliez une personne distinguée, vous étiez crédible, vous avez perdu toute crédibilité, je ne vous reconnais plus. » Mais j'ai dit, « Pour la première fois, vous voyez the real me. » À nouveau, Miracri, ouais, c'est adorable. Ça en dit beaucoup, encore une fois, sur elle. On l'entendait donc à nouveau au micro de Christiane Charette en 91, puis juste avant, un petit bout de, j'allais dire de délire, mais en tout cas de ce sens de la formule, oui, de ce délire qu'elle avait, entre autres à l'embarquement pour Sitar. Parlez-moi, au milieu des années 80, donc, après cet épisode à second regard, elle retrouve avec bonheur les studios de la radio de Radio-Canada. Comment décrire cette femme de radio? Ah, écoute, c'était son média, hein. Je suis convaincue que c'était son média et que ce média, la nuit, était encore plus son média parce que c'était une noctambule. Mira avait peur de la mort, donc peur de la nuit. Alors, elle se couchait à pas d'heure et puis, bon, donc elle lisait beaucoup, mais d'être à l'antenne et d'être dans cette proximité, c'est pas quelqu'un, elle n'était pas très... elle n'était pas sociale, mais je veux dire, elle n'était pas de mondaine du tout. Elle était très casanière, assez réservée, assez timide, elle le disait. C'était pas elle qu'on voyait dans les lancements, les vernissages, les ci, les ça, les mondanités. C'était pas du tout son affaire. Elle était bien chez elle, avec son clan, sa tribu, en petit comité. Mais quand elle avait simplement ce micro pour aller parler aux gens, rejoindre les gens, ce que je peux comprendre maintenant tellement bien, parce que plus en vieillissant, je comprends mieux encore ce rapport qu'elle avait avec le micro. Et puis cette grande, grande liberté qu'offre la radio et qu'offre la radio de nuit. Ouais. Je me souviens par exemple d'une série qu'elle faisait qui s'appelait « Les aventures de Nancy Garrett et Vincent Drier ». C'est complètement délirant, mais c'est brillant. Ouais. Et Mira m'a répété souvent, parce que je l'ai accompagnée en studio dès ses premières années à la radio, j'avais 22 ans, j'étais déjà ici avec elle en silence, dans le studio pendant qu'elle animait. Et elle avait un grand souci de respecter les équipes avec qui on travaillait. Ça, c'était très, très important, les techniciens, les réalisateurs et aussi l'auditoire. Ne jamais sous-estimer l'intelligence de l'auditoire. Toujours élever le niveau. Jamais niveler par le bas. Jamais. Toujours aller plus haut, le plus haut possible. Et son esprit menait à ça. Son humour aussi. Monique Giraud, animatrice à ICI Musique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monique. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Et c'est Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.